La remise de l'ordre Kim Il-sung à la menuiserie de Taedonggang a eu lieu le 21 septembre sur place. Y ont participé les cadres intéressés et le personnel de la fabrique. Après la lecture du décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée sur le décernement de l'ordre Kim Il-sung à la fabrique, on a transmis l'ordre. Les ordres et médailles ont été décernés aussi aux cadres et ouvriers de la fabrique.